Légendes et traditions alsaciennes, écrit par Karl Allmann, lu par Armen pour audiocité.net. Le nain aux clochettes des vignes d'Eckendorf et Tendorf, etc. La lune luit. Sous son rayon, toute la plaine s'illumine et des parfums de la saison la vigne embaume la colline. Quel est ce son ? Comme un cristal, il frappe et charme nos oreilles. Clochette faite d'un métal qu'on trouve au pays des merveilles. Un bon génie, un petit nain, annonce par ses sons étranges aux joyeux buveurs du bon vin, aux vignerons bonne vendange. D'après Auguste Stöber. L'auberge des revenants près de Mietersheim. La nuit arrive. Et de son voile, elle va tout couvrir. Voyageur, ta mauvaise étoile ici t'a fait venir. Vois-tu là-bas dans la clairière les reflets rutilants ? Une sinistre torche éclaire l'auberge revenant. N'entends-tu pas l'affreux tapage que les spectres y font ? Des filles aux pâles visages là-bas te serviront. Du vin, la couleur est livide, c'est le vin du trépas. Voyageur, que ta lèvre avide ne s'en abreuve pas. Avec les gens de l'autre monde, sortis de leur tombeau, tu danserais l'horrible ronde sans trêve ni repos. L'ombre s'enfuit, le jour se lève, dans les ronces couchées, le voyageur croit voir en rêve un homme assassiné. D'après Auguste Stöber. Le secours des trépassés. Tradition de famille. Nicolas de Bullach était un chevalier brave, aimant secourir les faibles en danger, se jetant vaillamment au plus fort des batailles, fréquentant les tournois, les danses, les ripailles, les festins, les plaisirs du monde, et cependant n'oubliant pas le ciel. On le voyait souvent, quand le soir il passait devant un cimetière, s'arrêter un instant et faire une prière afin de soulager les pauvres trépassés des maux du purgatoire. En ces vieux temps passés, il arrivait déjà que la plus noble vie ne pouvait garantir un homme de l'envie et de la haine. Un soir qu'au sortir d'un repas, auprès d'un cimetière, il arrêtait ses pas en disant un pater. Une troupe maudite de bandits apostés sur lui se précipite, les poignards à la main et la menace aux yeux. En vaillant chevalier, Bullach, pour se défendre, veut tirer son épée. Avant de pouvoir prendre le glaive redoutable, il voit, aspect hideux, des squelettes en troupe avec un bruit affreux sortir de leur tombeau et faire la conduite à grands coups de bâton, de pierre, d'ossement aux bandits effrayés qui prenaient tous la fuite. Un des fantômes reste et dit au bon seigneur « Nicolas Zorn de Bullach, sois sans peur. Maintes fois dans les cimetières, pour les morts tu fis des prières. Par eux toujours tu seras défendu. Jamais un bienfait n'est perdu. » Le carnage de Saverne ou les gilets rouges des paysans alsaciens. Pour conquérir la liberté, une rustique race se réunit avec fierté de tous les points d'Alsace. Ils jurent, comme les bourgeois, de faire résistance aux seigneurs dont les durs lois les couvraient de souffrances. Et leur drapeau, c'est le soulier dont le talon les blesse. « Grand Dieu, viens nous débarrasser du joug de la noblesse !» C'est là le cri des paysans. Mais le duc de Lorraine vient accabler ses braves gens sous le poids de sa haine. À Lupstein, il les assaillit, fait périr 4000, puis à Saverne les trahit au sortir de la ville. 16 000 sont égorgés, bravement chacun tombe, et 6000 autres sont tués, à Dambach est leur tombe. On en livre près d'Enzisheim un grand nombre au supplice. Le sang du prévôt de Rosheim demande encore justice. Couvents et châteaux renversés, on les fait reconstruire par ceux qui s'étaient efforcés, hélas, de les détruire. Mais, amant de la liberté, le paysan d'Alsace de cet amour a conservé sur lui la noble trace. La couleur de la liberté sur son cœur lui rappelle le sang si vaillamment versé par ses aïeux pour elle. D'après Charles Candidus. La cloche de Rülisheim. Près de Rülisheim, au cabaret, on boit en jouant le piquet, on triche, on se dit maintes injures, on crie, on blasphème et l'on jure, on fait un bruit si fabuleux que cela devient scandaleux. Dieu me damne, Dieu m'enterre, jouons, buvons à plein verre, Dieu me... Tous ces jurements font peur aux honnêtes gens. Messieurs, assez de débauche, n'entendez-vous pas la cloche? Aux vêpres, il faut aller. Non, je m'en vais m'installer près d'une chopine entière. Dieu me damne, que la terre s'ouvre sous moi, dit Henri, si je sors de cet abri. La cloche cesse. Le tonnerre vient l'interrompre. Sous la terre s'enfonce alors le cabaret avec le joueur de piquet. Le passant aujourd'hui ne trouve sur la place ni carte ni vin blanc, car il ne reste trace d'auberge ou cabaret. Le pâtre seul y va conduire ses moutons, et lui vous le dira, depuis le jour fatal, cette place est maudite, et jamais plus humain n'y bâtira son gîte. Aussi, croyez-le, jeunes gens, la débauche et l'ivrognerie, le blasphème et les jurements, les cartes et la tricherie, ne sont que des emportements dignes de mauvais garnements. En homme sensé, moi j'opine que mieux vaut pour de bons garçons chanter auprès de leur chopine les joyeux airs de nos chansons. D'après Charles Berdelet. Elsässische Samstagsblatt. La chèvre du Glöckelsberg. Ô toi qui célébras par tes accents épiques de fabuleux héros les exploits poétiques, d'Achille au pied léger les actes glorieux, d'Ulysse le rusé les voyages nombreux, et les événements que dans sa traversée eut à subir, hélas, le trois fois pieux aîné, ô muse, inspire-moi. Mais de tes beaux accents rabaisse un peu le ton, car je vais dans mes champs célébrer une chèvre. Un animal timide, par ruse faisant prendre un loup, un monstre avide qui depuis trop longtemps désolait le canton, prouva que le plus fort n'a pas toujours raison. Au haut du Glöckelsberg s'élève une chapelle. On y voit notre chèvre. Une longue ficelle à la porte attachant cet animal joyeux lui permet et de paître et de sauter au mieux. Mais que voit-elle au loin? Qui fait cesser si vite ces sauts capricieux? La crainte qui l'agite s'explique, hélas, trop bien, car un énorme loup, au loin dans la campagne, apparut tout à coup, faisant la promenade et cherchant nourriture. Mais la maudite corde attache à la serrure la pauvre chèvre qui, ne pouvant se sauver, derrière le portail va vite se cacher. Cependant, maître loup, croyant tenir la chèvre et songeant au régal, se caresse la lèvre. Il entre en la chapelle et, courant vers le fond, au bout du bâtiment arrive d'un seul bond, et, penaud de ne pas y retrouver sa proie, il revient sur ses pas. Mais que voit-il alors? La chèvre qui s'élance et se trouvant dehors, qui tire sur la corde et qui bêle de joie. Le loup devint furieux de se voir prisonnier, et plus penaud encore, il se mit à hurler. Mais par ses affreux cris, il attira du monde. On délivra la chèvre, assénant à la ronde des coups bien mérités au loup qui, prétend-on, se voyant le moins fort, fut doux comme un mouton. Il y laissa sa peau. Du loup, la fin fatale démontre clairement que la force brutale, l'insolente vigueur ne fait pas toujours loi, et que le fort souvent trouve plus fort que soi. Les géants du Nidec. Du rocher de Nidec, la Hasel écumeuse tapisse les parois de ses flots bouillonnants, tandis qu'à son sommet s'élève encore fameuse la demeure où jadis habitaient les géants. Un beau jour du château, la jeune damoiselle sortit du haut manoir afin de s'égayer. La roche de Porphyre était au plus pour elle ce qu'est pour un de nous un degré d'escalier. Aussi, dans quelques pas, elle atteignit la plaine et s'étonna de voir les villages nombreux dans lesquels s'agitait la fourmilière humaine. Jamais rien de pareil n'avait frappé ses yeux. À ses pieds, elle voit, conduisant sa charrue, un petit paysan et son petit coursier, et, se réjouissant, la fille, à cette vue, se courbe vers la terre et tend son tablier. Elle y met de sa main et l'homme qui travaille, et charrue et cheval, puis retourne au château. Ce qui lui plaît le plus dans sa belle trouvaille, c'est le soc qui ressemble à son petit couteau. Le géant, étonné de sa joyeuse mine, lui dit « Quel grand bonheur te fait rire et chanter !»« Mon père, répond-elle, à mon père examine les amusants jouets que je viens de trouver. » Le père était assis. Près de lui, sur la table, un flacon de cristal brillait comme de l'or. À son enfant, il dit du ton le plus affable « Allons, petit, allons, montre-moi ton trésor !» Alors elle étala sous les yeux de son père avec de joyeux cris, et l'homme, et le grand fouet, et charrue, et cheval. Mais lui, d'un ton sévère, remporte tout, jamais l'homme n'est un jouet. Car nous autres géants habitant la montagne, nous avons tous besoin du travail de ce nain. S'il n'allait plus pour nous labourer la campagne, dans notre fier château nous manquerions de pain. Il faut donc envers tous se montrer équitable. Les humbles, les puissants, tous ont un égal droit, et l'on doit, quoique grand, respecter son semblable et l'aimer si petit et si faible qu'il soit. Du rocher de Nidec, la Hazel l'écumeuse tapisse les parois de ses flots bouillonnants, tandis qu'à son sommet s'élève encore fameuse la demeure où jadis habitaient les géants. D'après l'allemand d'Adelbert de Chaminceau de Boncourt. Le prieur de Neubourg. Le couvent de Neubourg avait pris plusieurs champs aux villages voisins, et pendant bien longtemps, entre le couvent et les villages, la funeste chicane exerça ses ravages. Des procès et de leur fatras, les pauvres paysans à la fin furent là, et tous, d'un accord unanime, ôtèrent leurs biens légitimes, résolurent de renoncer. Si le prieur, vêtu des grands habits de prêtre, sur les champs contestés, osait bien prononcer le serment solennel qu'il s'en croyait le maître au nom de son couvent. Le prieur accepta. Quand vint le jour fixé, tout chacun assista, dans ses plus beaux habits, à la cérémonie qui devait mettre fin à tant de zizanie. Devant les paysans s'avança le prieur, orné des grands habits de fête. « J'en atteste, dit-il, le grand dispensateur au-dessus de ma tête, la terre que je foule appartient au couvent. » Quand le peuple entendit le prieur impudent, la stupeur se peignit par un profond silence. Puis tout à coup, quelqu'un vers le moine s'élance, enlève son bonnet et son grand capuchon, devant les gens surpris en retire un pochon qui servait au couvent à dispenser la soupe. Puis, avec l'aide de la troupe, des paysans et des fermiers, il vient arracher les souliers du prieur effaré. La chaussure du père renfermait de la terre qu'il avait prise au jardin du couvent. On comprit seulement l'insidieux serment, et tous les villageois de tomber sur le moine, on l'assomma, son corps fut jeté dans l'étang. À l'endroit baigné de son sang s'élève la croix de l'avoine. Si le soir vous passez auprès de cette croix, pour peu que vous quittiez joyeuse compagnie, du malheureux prieur vous entendez la voix répéter le serment empreint de félonie. Puis vous sentez s'embarrasser vos pas, vous marchez et n'avancez pas. Aussi ne vous servez jamais de subterfuge pour vous approprier les terres du prochain. Le champ que par fraude on s'adjuge jamais ne produit de bon pain. Et puis, auprès de la bouteille, ne vous attablez pas trop avant dans la nuit. Sans cela, le prieur qui veille vous attend et vous reconduit. Le tribunal des morts au château de Girbaden. Les fiers soldats de la Lorraine, Girbaden, errent des vautours, dans leur orgueil et dans leur haine, en grand nombre assiègent tes tours. Et toi, vaillante forteresse, Un petit amas de guerriers te défend malgré ta détresse, méprisant craintes et dangers. Ce que la force n'a pu faire, un serviteur de la maison l'accomplit, le vil mercenaire, par la nocturne trahison. Au Lorrain, dans les bois, ils montrent un sentier de tous ignoré, au bout duquel leurs pieds rencontrent un objet à leurs yeux cachés. C'est là la porte souterraine par laquelle ils vont tous entrer. Chacun d'eux retient son haleine, dans l'ombre se laissant guider, et les vents de la nuit gémissent dans le feuillage des tilleuls. Le long des grands remparts se glissent quelques gardiens qui veillent seuls. Ils sont là, pleins de confiance, ces guerriers, quoique peu nombreux. L'abri des murs et la vaillance au besoin combattront pour eux. Aucun ne sait, hélas, qu'un traître, qu'un homme infâme et criminel, trafiquant du sang de son maître, livre la porte du castel. Comme un torrent avec furie s'élance du haut d'un rocher, des Lorrains la troupe ennemie se précipite pour tuer. Fier vautour, aiguise ta serre, bientôt tu ne combattras plus. L'entends-tu ce vieux cri de guerre? Lorraine, malheur aux vaincus! Ah, quel carnage! La défaite de la trop faible garnison est, hélas, horrible et complète, grâce à l'odieuse trahison. Le vainqueur n'épargne la vie d'aucun des vaillants défenseurs. Le triste et livide incendie dans la nuit répand ses lueurs. Le chef vainqueur cherche le traître pour lui payer le prix du sang, mais on ne le voit plus paraître, les morts le comptent dans leur rang. L'infâme est puni de ses crimes, il est tombé dans l'action, couvert des coups de ses victimes et de leurs malédictions. Il est minuit, le superbe manoir n'existe plus. Le voyageur peut voir les vieux créneaux enlacés par le lierre, les anciens murs croulés pierre par pierre. Troublant la nuit de sa sinistre voix, l'oiseau nocturne établit son repère où les seigneurs demeuraient autrefois. Il est minuit, quel est ce léger bruit, cette clarté qui dans l'ombre reluit? Le vieux castel, serait-ce donc un rêve? De bas en haut, lentement se relève, par le travail de pâles revenants, et lentement le bâtiment s'achève, aux yeux surpris des voyageurs tremblants. Les voyez-vous monter dans le château, ces vieux guerriers sortis de leur tombeau, comme jadis couverts de leur armure? Dans une salle à la noire tenture, ils entrent tous, leur épée à la main. La voyez-vous, la sinistre figure, la noble dame au seigneur châtelain? Les traits empreints d'une sombre fureur, le front couvert d'une mate pâleur, elle prend place au milieu d'une table où l'on peut voir, aspect épouvantable, un crucifix que la rouille a rongé, un glaive immense, au tranchant redoutable, un crâne ouvert et tout ensanglanté. La trahison va recevoir son prix. Ces vieux guerriers, les voilà réunis pour le juger, le serviteur infâme. Malheur, malheur, à son corps, à son âme, que dans la tombe il ne repose pas, que sur son front on lise en traits de flamme comme un stigmate et mule de Judas. Mais le voilà, pâle, abattu, tremblant, enveloppé dans un linceul sanglant, tenant la clé, l'instrument de son crime. L'un des guerriers sortis du sombre abîme prend la parole. On n'entend qu'un son sourd, pendant qu'on voit, misérable victime, le serviteur se traîner d'un pas lourd. Et les remords se peignent dans ses yeux. Le juge alors d'un geste furieux lance vers lui, signe de sa colère, un bâton qui se brise sur la terre en mille éclats avec un affreux bruit. Chaque guerrier d'une voix de tonnerre crie « À jamais le traître soit maudit !» En même temps, le voyageur entend le glas sonner des mains d'un revenant, avec les cris des hiboux et des rennes. Mais le soleil des montagnes lointaines envoie alors un rayon éclatant, et tout à coup, spectres, images vaines, ont disparu devant le jour brillant. Plus rien. Les morts ont repris leur repos. Ils dorment tous au fond de leur tombeau, jusqu'à ce que la nuit de ces ténèbres recouvre encore ces ruines célèbres. Le forestier, rêvant vers le matin, en songe entend mourir les sons funèbres du glas qui tinte encore dans le lointain. d'après Frédéric Hoth. Les deux veuves. Un beau jour, le bon Dieu, devenu soucieux du sort de ses enfants, descend du haut des cieux et parmi les mortels va faire un long voyage, à pied, incognito. Tout près d'un grand village, il arrive à la nuit, lassé, n'en pouvant plus. Vient une pauvre veuve, et le voyant perclus de fatigue et de faim, la vieille et brave femme le fait entrer chez elle, et puis cette bonne âme prépare un bon repas, tel que sa pauvreté lui permet de l'offrir, car, dans sa charité, pour le pauvre étranger, elle vide sa huche, et près d'un tonnelet va remplir une cruche d'un petit vin clairet bien précieux pour elle. C'est qu'elle n'en buvait que lorsqu'une nouvelle venait la réjouir, ou lorsque d'un grand jour le messager boiteux annonçait le retour. Puis, de son propre lit prenant une paillasse, elle en fait une couche où le pauvre inconnu, son appétit calmé, s'étend et se délasse. Il se lève aussitôt que le jour est venu pour repartir et dit, saluant son hôtesse, « Vous avez secouru, malgré votre faiblesse, un plus faible que vous. Aussi bien vous saurez que le premier travail qu'aujourd'hui vous ferez vous portera bonheur. » Alors la pauvre vieille empoignait le cruchon qui servait de bouteille pour aller reverser le reste de son vin dedans le tonnelet. « Mais qu'est-ce ? » Elle s'étonne. « Le vin coule toujours du cruchon dans la tonne, sans tarir ni cesser. » Elle se dit enfin « Je croyais secourir un pauvre en sa souffrance, et ce pauvre était Dieu qui rend en abondance le peu que j'ai donné, que son nom soit béni. » Et la source de vin n'avait encore fini de couler, et la tonne allait se trouver pleine. Elle en emprunte une autre et la remplit encore, elle en remplit toujours et les vend. Bientôt l'or se trouve abondamment dans son humble chaumière. La vieille femme est riche et n'en est pas plus fière envers les pauvres gens. Bien plus, dans le malheur, chacun trouve un refuge auprès de son bon cœur. Tout près de ce village, une riche fermière cultivait ses grands biens. Veuve de l'ancien maire, elle avait à foison des prés que le ruisseau, en débordant l'hiver, fécondait de son eau. Le bétail le plus beau garnissait son étable. Ses immenses vergers fournissaient à sa table des fruits bien savoureux. Ses beaux et nombreux champs de navettes ou de blé pouvaient, en peu de temps, produire une fortune, et malgré sa richesse, l'avare ne faisait pas la moindre largesse. À sa porte, jamais le pauvre ne trouvait un bienveillant accueil. Non, personne n'avait reçu de ses bienfaits. L'aventure étonnante qui, de la pauvre veuve, avait fait le bonheur, de fiel et de venin remplit son mauvais cœur. Mais elle vint, cachant une haine impuissante, la prier d'envoyer le divin étranger dans sa riche maison, si le cours d'un voyage devait le ramener un jour dans le village, et prit l'engagement de si bien l'héberger qu'il en serait content. La femme complaisante chez elle trouve un jour l'étranger revenu. À sa nouvelle hôtesse, elle amène et présente, comme elle avait promis, le puissant inconnu. La femme qui partout et toujours était chiche, oui, celle qui jamais n'entamait une miche pour nourrir l'affamée, prépare un grand repas, invite ses parents, fait tuer le veau gras, apprête du gibier, sans compter les volailles qu'elle faisait plumer. Depuis ses fiançailles, jamais on n'avait vu de festins aussi beaux. On apporte au dessert étartes et gâteaux, biscuits et massepains, bouteilles cachetées et des fines liqueurs qu'elle avait achetées à la plus proche ville. Au milieu de la nuit, on mange et boit encore. Après, on le conduit, l'étranger étant fêté, dans la plus belle pièce de toute la maison, où la veuve le laisse, après avoir montré, du ton le plus mielleux, un grand lit à ressort bien doux et bien moelleux. Le lendemain matin, c'est avec allégresse qu'elle entend ce salut que l'étranger adresse avant de repartir à son avide hôtesse. L'objet qui le premier par vos mains passera, dans le jour d'aujourd'hui se multipliera pour vous récompenser de vos soins charitables. Songez combien ces mots devaient être agréables. Elle court vers sa bourse et veut compter l'argent pour le multiplier. Dans son empressement, par un choc, elle fait choir la carafe pleine et la relève vite. Oh, la terreur soudaine! Le désappointement! De la carafe sourd de l'eau par gros bouillon. La vie de veuve court et veut mettre un bouchon. La peine est inutile, le faible bouchon saute et l'eau s'écoule et file par les appartements inondant la maison. La vie de veuve pense en perdre la raison quand elle s'aperçoit encore que la bourse ne veut pas s'alourdir. Mais la maudite source coule et coule toujours. On se décide enfin à noyer la carafe au plus profond du Rhin. Le bien que l'on ne fait que pour la récompense, si grande que d'ailleurs puisse être la dépense, n'est au fond qu'un marché qu'on passe avec autrui. Qu'un pauvre généreux, malgré son indigence, soutienne de ses dons de plus pauvres que lui, sans but intéressé leur prête son appui, si peu qu'il ait donné, c'est un bienfait immense. Car bien plus que l'argent et que l'or, un bon cœur est propre à soulager l'homme dans le malheur. D'après Charles Berdelet.